Wattipé. Les chroniques du Wattip Boss. Wattipé. Écoute. Fatigué mais bizarrement j'ai pas sommeil. J'casse la démarche, la vie m'a assommé. Bon son, laissez-moi faire la mif, j'suis passionné. Fatigué mais bizarrement j'ai pas sommeil. J'casse la démarche, la vie m'a assommé. Bon son, laissez-moi faire la mif, j'suis passionné. Ferme un peu ta gueule et laisse-nous faire. Dutch Night Black Shady Clay, les grosses lèvres. Je sais que pour eux je ne suis qu'un. Pour ces grosses lèvres. Pour ces grosses lèvres. Pour ces grosses lèvres. Ferme un peu ta gueule et laisse-nous faire. Dutch Night Black Shady Clay, les grosses lèvres. Je sais que pour eux je ne suis qu'un. Pour ces grosses lèvres. Pour ces grosses lèvres. Pour son sang, ces grosses lèvres. Hey, salut, c'est moi la partie bien trop excitée. Pas la peine d'être surpris, je suis seulement celui que tu sous-estimais. Génération cheville ici, ça surine, tu sais pas qui c'est. Sans sublime, puis tout s'oublie avant que ça se mette à saigner. Négro, j'ai connu des tonnes de Tommy qui tentaient de se rapprocher de moi. Fréquenter des tonnes de Dolly qui m'aimaient pour ce que j'avais pas. Des soi-disant Tony Montana qui se la joue thug life. Et quand la night tombe, tu les retrouves tous au Pink Paradise. Depuis mon wobbly wobbly wobble wobbly wobble, j'ai fait du chemin à riz, donc évite de me raconter ton davo. Devenir un classique indémodable comme le masque de Zorro. J'suis les gravants, donc avant l'eau, ardonne les disques de Roro. Tirer mes balles à bout portant, puis me barrer, c'est ça l'idée. Demande à Talabou depuis quand l'objectif est déjà fixé. Pas besoin de marabout, t'es malade ou quoi. Je vais pas sucer, ils veulent se faire mal au boule. J'ouvre comme ils boule pour un peu de succès. Et je te parie que tout Paris parlerait si changer de pays, de Pompéi jusqu'à Belize. J'entends d'adjet, Pompaye et Bill. Moi c'est en soirée, pompé l'op. Pilote la vague et t'obéis. Tu gères les meufs si t'as la cote ou si ton compte est en ce suit. Négro fragile, t'as toujours besoin d'un truc qui te permette de t'évader. Comme Movado, cherche la liberté quitte à devenir parano. Puis t'es baro, t'inspire la drebou comme si c'était du CO2. Ça y est, tu commences à planer, tu revois ton année de CE2. Fatigué mais bizarrement j'ai pas sommeil. J'casse la démarche, la vie m'a assommé. Bon son, laissez-moi faire la mif, j'suis passionné. Fatigué mais bizarrement j'ai pas sommeil. J'casse la démarche, la vie m'a assommé. Bon son, laissez-moi faire la mif, j'suis passionné. Ferme un peu ta gueule et laisse-nous faire. Dutch Night Black Shady Clay, les grosses lèvres. Je sais que pour eux je ne suis qu'un. Pour ces grosses lèvres. Pour ces grosses lèvres. Pour ces grosses lèvres. Ferme un peu ta gueule et laisse-nous faire. Dutch Night Black Shady Clay, les grosses lèvres. Je sais que pour eux je ne suis qu'un. Pour ces grosses lèvres. Pour ces grosses lèvres. Pour son sang, ces grosses lèvres. C'est qui? C'est le roi. C'est le roi. Touche à la mif, on te frappe. Boum, on tire dans le tas. Dans le tas. C'est vous niquez le rap. Arrêtez toutes vos salades. Merde, j'ai raté ma salade. L'herbe que je veux me faire. Zin, coup dans le boule de Zaya. Oh, roulette vers la Maya. Rose, se tarde à tous les Mayas. Marine, viens jouer à Kola Maya. Black M, fais-nous du son bien Kaira. Oh, reviens donc à la source où quand tu kickais, tu levais les sous-sous. Les peuls, les bacs où quand t'étais rené, tu pouvais pas très rang sur le terrain. Refais-nous des flots robotiques. Peut-être chame au père à son tickle. Dis-leur que ce n'est pas le même level. Dis-leur que t'as vu la foule se lever. Dis-leur que même en solo, t'iras péter ton putain de platine. Et dis-leur que leurs histoires de people de merde nous à nous fatigue. Dis-leur qu'on veut du dream. Hanté par un mauvais jean. J'suis perdu mais j'suis dans ma ville. Arrête, fais-moi ton état weed. Le bar m'a peut-être te rendu taré. En tout cas, le tien me fait marrer. Arrêtez de nous comparer, de parler alors que vous n'êtes pas vrai. Fatigué mais bizarrement j'ai pas sommeil. J'casse la démarche, la vie m'a assommé. Bon son, laissez-moi faire la mif, j'suis passionné. Fatigué mais bizarrement j'ai pas sommeil. J'casse la démarche, la vie m'a assommé. Bon son, laissez-moi faire la mif, j'suis passionné. Ferme un peu ta gueule et laisse-nous faire. Dutch Night Black Shady Clay, les grosses lèvres. Je sais que pour eux je ne suis qu'un. Pour ces grosses lèvres. Pour ces grosses lèvres. Pour ces grosses lèvres. Ferme un peu ta gueule et laisse-nous faire. Dutch Night Black Shady Clay, les grosses lèvres. Je sais que pour eux je ne suis qu'un. Font ces grosses lèvres. Font ces grosses lèvres. On s'en sort ces grosses lèvres. Je crois qu'on a niqué le beat. Et se trouve à redire. Dutch Night Black Shady numéro 10. Je crois qu'on a niqué le beat. Je ne sais qu'un. Dutch Night Black Shady numéro 10. En attendant les yeux plus gros que le monde. Néglige-moi.